Pascal François Feldman avec tout simplement Destination, et puis juste après ce sera le groupe Bonium. Dans la nuit, You're my heart.

sont arrêtées dans les eaux profondes quelque part. Tu nages pour ne pas couler et ici-bas c'est déjà le soir. Et moi j'attends sur le pont impuissante et seule, si souvent moi qui n'aime que ta voix. Petit point sur l'horizon, j'ai peur qu'un jour tu ne reviennes pas. J'aimerais tant savoir souffler comme le vent sur ton beau visage, faire se lever l'espoir, les richesses d'avant, nos plus belles pages, parler même tout bas, juste pour toi et moi, tu te souviens, mais là-bas, au loin, tu nages. Tu

Tu recouds avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur douanier, c'est nous. Voici donc, elle s'appelle Lisa Aura avec tout simplement Vive ta vie. Et puis juste après, ce sera du country. Toi ma vie, tu as grandi si vite. Toi ma fille, toi mon sang, il est temps maintenant de suivre ton chemin. Te laisser guider par ton cœur, tes idées. Je te laisse t'envoler. Il me faut l'accepter. Prends ton temps, ne te précipite pas. Vis tes rêves et voyage. La vie est bien trop courte. Tu dois suivre ta route. Je serai toujours là. Tu peux compter sur moi. Je te laisse t'envoler. Il me faut l'accepter. So lonesome all of the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. Bye.

Quand ils n'en pouvaient plus, leurs prières d'amitié pour essayer de la sauver. Je et moi qui suis le seul pécheur, et moi qui lui ai brisé le cœur, je suis prêt à mourir entre ses bras. Je ne t'inquiète plus jamais, Johanna. Si tu t'en vas, emmène-moi. Ce monde est sale et vide sans toi, Johanna. Je t'aime. Elle avait l'habitude de rendre beau les gens dans l'âme que j'étais. Elle voyait un géant, Johanna. Et quand je suis parti rejoindre ma liberté, sans un mot, sans un cri, quelque chose s'est cassé en Johanna. Ce soir, ils sont tous arrivés avec leurs prières d'amitié pour essayer de la sauver, Johanna. Et moi qui n'ai pas su comprendre son amour fou, son amour tendre, je suis prêt à mourir entre ses bras. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne t'inquiète plus jamais, Johanna. Tu vois déjà, je crois en Dieu, puisqu'il vient d'éclairer tes yeux d'un peu de lumière. Christian de Lagrange avec Johanna, et puis juste maintenant ce sera du zouk. Les sentiments nous partagés pendant vacances d'été, chant de nous faire pleurer. Passons l'année, nous qu'à songer. Les bons moments passés, laisse-nous t'essayer, nous t'aimer. Tiens-nous passer, ne pas te répéter. Si tu ne pouvais, mais où t'es obligé, allez. Partagé pendant vacances d'été, chant

Fomos todos a azeitona. O meu Zé com a vara a jeito. Ao chegarmos eu estendo a lona. Ele põe logo a vara direito. Aos saltinhos faz grande esforço. Com a vara para lá chegar. Mas a vara é muito curta. E ele só dá paradas no ar. O meu Zé tem a vara curta. E não dá para lá chegar. O meu Zé tem a vara curta. Quem tem maior talvez eu possa dispensar. O meu Zé tem a vara curta. Diz que é fácil manobrar. O meu Zé tem a vara curta. Mas varas grandes é que dão para lá chegar. Agora até já se apanha. Azeitona por de madeira. Boas varas só para lenha. E vão todas para a fogueira. Mas o Zé ainda tem a dele. Com a esperança que ainda vai servir. É tão curta a sua vara. Que só dá vontade de rir. O meu Zé tem a vara curta. E não dá para lá chegar. Quem tem maior talvez eu possa dispensar. O meu Zé tem a vara curta. Diz que é fácil manobrar. O meu Zé tem a vara curta. Mas varas grandes é que dão para lá chegar. Dispensar. O meu Zé tem a vara curta. Diz que é fácil manobrar. O meu Zé tem a vara curta. Mas varas grandes é que dão para lá chegar. Bonjour, c'est Violette Chiara sur Radio Arc-en-Ciel. Dans tes bras, dévaler les escaliers, comme si on volait. Sentir ta force et le vent, nourrir s'entremêler. Doucement, tu t'approches de moi, mon cœur bat plus fort. Rejoins-moi pour jouer dans les vagues, bouger dans l'océan. À l'horizon, notre avenir, comme sur un fil. Et ne jamais se douter que même le soleil bascule de l'autre côté. Doucement, tu t'approches de moi, mon cœur bat plus fort. Rejoins-moi pour jouer dans les vagues, bouger dans l'océan.

jouer aux soldats de fer, serrer par ses petites mains potelées. Mais la maison, elle n'a pas oublié. Le silence, excepté les cigales, de cet immense jardin abandonné. Une planche en bois qui traînait dans la grange, épargnée par ce vieux rabot dans l'atelier. C'est sûr, les colères de mon père m'ont fait que des bêtises pour me faire remarquer. Mais la maison, elle n'a pas changé. Arrêt sur la porte du diable, ce vieil heurtoir, le corne rouillé, la clé de mes souvenirs d'enfance, où la serrure a fini par céder. Y avait le piano de ma mère et la poussière qui s'y était installée. Le vieux champagne de la cave à mon père, dans le salon des fleurs desséchées. En mes pensées, la vendre est le souhait de mon frère. J'en suis pas seul, je ne peux pas décider. J'avoue, je verserai une larme dans cette maison, bercé par mon passé. Voici donc qui vient, c'est un morceau un peu comme les flûtes de Pan, et c'est tout simplement le groupe Ivanana. Vous écoutez Ivanana, et c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Car qu'on y est,

Au bout du port, près du vieux phare, là où le vent souffle plus fort, j'aime à flâner, parfois très tard, pour mieux m'imprégner du décor. Je vois des bateaux, des chargements, j'entends des bruits, j'entends des chants, y a comme un parfum d'aventure, un peu de sel sur ma figure. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour rire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamin, qui nous chavire encore à cette heure. Apprendre toutes sortes de mots, du cabestan à l'étambot, presque un second vocabulaire, le jargon des gens de la mer. Embarquer avec l'équipage, mettre à profit tout ce langage, puis par bon vent se faire une virée, mettre le cap sur l'amitié. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour rire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamin, qui nous chavire encore à cette heure. Se retrouver entre copains, par tradition, café du port, pour partager quelques accords, trinquer à l'appel des embruns. Ça joue du trad, ça joue Guimer, ça joue Budet, ça joue Tonnerre, et les chansons de notre plume, faites de vent, de bleu, d'écume. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Chanter la mer, chanter sans fin, pour rire ce qu'il y a dans notre cœur, ce dont nous rêvions tout gamin, qui nous chavire encore à cette heure. Chanter la mer et les marins, comme un vieil air, comme un refrain, qui nous tient toute la journée, nous donne envie de fredonner. Este sentimiento de amor, escucha mi corazón, señorita, señorita. Bienvenido a Tous, la team, All United, Barcelona. S'en aller, oh, oh, je veux te rendre folle, danser contre ton corps, un habillé embrassable. Un instant avec toi, imagine n'importe quoi. Okay. Ici, à quel calor, un sourire m'ensorcelle, tu es la flamme qui me mène à ses désirs. Bantamé, emblamé, embrassable et baissamé. Juste une seule fois. Cuéntame, háblame, abrázame y bésame. Je n'oublierai pas. Babe, tu formas tu mirada. Juste une seule nuit avec toi, on pourra s'en aller. Oh, je veux te rendre folle, danser contre ton corps, donne un billet. On pourra s'en aller. Ouh, oh. reconnaître l'étincelle qui brille en moi. A que calor, un déhanché de salsa, mojito Barcelona. Viva la vida. Cuéntame, háblame, abrázame y bésame. Juste une seule fois. Cuéntame, háblame, abrázame y bésame. Like

les secondes. Les rides et le poids des années dessinent sur mon visage. À peine le temps de s'y faire que l'on s'efface. Le temps efface tout ce qu'il a fait, un peu de nous. Le temps efface tous nos erreurs, les routes debout. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Il vaut de vivre au sillon de mon cœur. Comme une faveur, c'est pas grand chose, juste une pause des heures. Avant qu'on se fane, y arrive soudain les derniers pleurs. Le temps efface tout ce qu'il a fait. C'est toujours lui qui décide, et sans aucun regret. Et puis aussi un coucou à une des chansons, tout simplement, de l'Élise. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Tu m'appelles mon petit loup, avec ta belle voix, tu penses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs, tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts, tu au hibou. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'aimes. Une chance comme ça. Je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne vienne te faire de la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi, mon bon chat, t'auras jamais peur tant que je vivrai.

notice ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre, qui croient tenir les rênes du temps. Pays d'amour n'a pas de frontières pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Donnez-moi une pittorite, je n'en veux pas. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa la, papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la, papa pa, la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains, je suis comme ça, je parle fort. Je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux. Je suis comme ça. Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose t'aime ici. Voilà donc dans quelques minutes, ben, je vous laisse avec Funky et puis juste après à partir de 19h jusqu'à 21h, on va y retrouver Christophe avec l'émission Eric Choc. Et puis demain, mercredi, entre 9h jusqu'à midi, et bien, vous allez vous laisser avec Victor avec l'émission Portugal Le Festa. Voilà, bon, là, je vous dis bonjour à tous et à toutes. Et sur radio-arc-en-ciel.fr. Je serai l'eau d'une rivière. Je serai gravé dans la pierre. Je serai l'heure et le moment. Je serai l'homme que tu attends. Je serai le vent et la pluie. Je serai l'étoile dans la nuit. Je serai les cendres et puis le feu. De nos jeux dangereux. Je serai tout pour toi. Je serai loup, je serai roi. Je serai tout pour toi. Je serai de tous les combats. Dans le sable.